consulter la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, plein de bonnes choses comme d'habitude et on commence avec une nouveauté, Neil Morse, la seconde partie de son album concept. Et en 2023, il nous avait présenté The Dreamer Joseph Part 1 et il nous présente maintenant la suite The Restoration Joseph Part 2. Et puis, on aura aussi, c'est une nouveauté sans en être une, c'est une réédition d'un album de Logos. En fait, la formation italienne a remixé et remasterisé ses deux premiers albums parus en 1999 et en 2001. Logos, donc, en 1999 et Asrava en 2001. On va avoir un extrait de Asrava, c'est la pièce 99. Et puis Marc, par la suite, on a un nouvel extrait d'un album à venir du Royaume-Uni. Oui, en effet, on parle ici de la formation de Pineapple Thief et de leur nouvel album It Leads to This, dont la parution est prévue pour le 9 février. Alors, effectivement, on aura un second extrait de cet album avec la pièce Every Trace of Us. C'est le 16e album pour cette formation. Et ce sera suivi d'un nouvel extrait également du nouvel album de Johnny Bob, une formation de l'Allemagne. Ils sont de Hambourg. Et leur nouvel album, qui a pour titre The Glass Hotel Tapes, est paru hier, donc le 19 janvier. Et c'est leur 5e album en carrière. On aura pour vous ce soir la pièce Paper Monkeys. Et comme vous disait Michel, on débute avec la nouveauté de Neil Morse. I was standing by the river. There were cattle eating grass, seven fat and seven bound to starve. Then I saw 7 years of good stock and 7 years of bad. The bad ones swallowed up the 7 good. I asked all to explain, but no. Make it through the dark day. my family is always here. It's always with me. Vero, potrei anche dormire dentro ad un'impronta di dinosauro. Tanto grande fu il suo piede, quanto piccola è la mia figura. Sono un animale di città di oggi, vivo seguendo il cavallo tecnologico. Ma basta uscire dal catino bollente per tornare a respirare i fiori. È vero, potrei anche dormire dentro ad un'impronta di dinosauro e potrei rimanervi per mille anni finché lui non tornerà a riprendersela. Thank you. Potrei svegliarmi nel 99 e trovarmi steso sopra l'amaca nel tuo giardino di casa e scoprire di essere rimasto l'unico. Posandolo in una strana culla, nell'impronta del piede di un gigante.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Présenté par SiriusXM, le festival déjanté de musique alternative, le Focof est de retour pour sa 10e année consécutive. Du 9 au 17 février, la Ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergente de tout genre confondu. Procure-toi ton billet et viens découvrir des artistes éclatés comme Teke Teke, Get the Shot, Solipsisme, Sainte-Nicole, Population 2, Totalement Sublime, Virginie B et plus encore. Le Focof, c'est le festival qui réchauffe ton mois de février. Visite lefocof.com pour plus d'informations. Et si on pouvait recommencer? Tout refaire comme il faut? Est-ce que ça reviendrait au même? Pamplemousse d'Élisabeth Lavoie. Présenté du 23 janvier au 3 février au Théâtre Premier Acte. Premier Acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse Desjardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire et Hydro-Québec. Renouvelez votre carte de membre dès maintenant. Cette année, nous vous proposons 3 options d'adhésion pour répondre à vos besoins. Rendez-vous en ligne sur le site de CKRL pour connaître tous les avantages et cliquez sur l'onglet « Devenir membre ». Samedi soir à Télé-Québec, l'électricité est dans l'air. Woo! À 20h, c'est pour une fois et le courant passe. C'est vraiment une excellente question. La réponse est bonne en tabaslette. À 21h, à Belle et Bonne, les enfers montent. Une soirée de feu où on va réchauffer et vos cœurs et vos salons. À 22h, à On ramassera demain, on fait sauter les disjoncteurs. Es-tu menotté aux toilettes? Au secours! Au genre de soirée auquel je m'attendais. Télé-Québec le samedi soir. Vous êtes en bonne place! Vous cherchez une charcuterie artisanale qui propose des produits de qualité exceptionnels? Alors ne cherchez plus. Venez découvrir le Pied Bleu. Le Pied Bleu, c'est avant tout un bar à charcuterie spécialisé en charcuterie cuite qui produit un boudin digne d'une appellation d'origine contrôlée. Le Pied Bleu vous offre également des plateaux de fromage et de charcuterie pour vos événements, pique-niques ou réceptions. N'hésitez pas à nous appeler au 418 914 3554. Le Pied Bleu, la convivialité et l'authenticité en toute simplicité. CKRL 89. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Terra Incognita se poursuit avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau. Et pour entamer cette nouvelle demi-heure, on va voir un doublé italien avec une nouveauté de Elsmere, une formation italienne qui présente un 4e album qui a pour titre Stranger Skies. En fait, je dis formation italienne, mais on retrouve tout de même à la batterie Mathias Olsson, ex-batteur de Anglagard, et puis de nombreux invités, dont David Jackson, ex-Van der Graaf Generator, John Hackett, Clive Nolan et Thomas Bodin notamment, et aussi Ricardo Romano de Rain Strain. Donc une belle brochette d'invités et un bon album encore une fois. Et puis, toujours en Italie, Aurora Lunar, et on va voir un extrait, un troisième extrait de l'album Terzo Luogo, un album qui est paru en 2023. Et puis Marc, on passe du côté de la Suède. Oui, en effet, on aura un extrait du nouvel album de Christopher Gildenlow, qui a été le bassiste de Pain of Salvation jusqu'en 2006, mais qui a quand même une carrière solo. Alors ici, c'est son nouvel album qui a pour titre Empty et qui paraîtra le 8 février, son 5e en carrière solo. Et on aura pour vous la pièce Harbinger of Sorrow. Et ce sera suivi d'un artiste de Québec, Richard Soucy, qui a fait paraître en 2023 son premier album qui a pour titre Freedom. Il est accompagné sur cet album-là du batteur Denis Boucher, également de Québec. Denis Boucher qui fait partie également de la formation Proportions. Alors, de Richard Soucy, on aura la pièce titre de son album, mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec la nouveauté de la formation Ellesmere. Thank you. skies. Risparmiati dubbie vanità, risvegliati dal tuo sonno e vai, dentro l'Elisio ti ritroverai, perso e traviato per l'eternità.

la Caisse Desjardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire et Hydro-Québec. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. De retour à l'émission Terra Incognita. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation québécoise Vecteur K, qui a fait paraître leur troisième album en 2023, Stratigraphie. La formation nous rendra visite à Québec dans le cadre du Festival Terra Incognita 2024. Alors, de ce nouvel album, on aura la pièce Débarque. On aura également un second extrait de l'album de la formation russe Little Tragedies. Leur album Don Quichotte, qui est paru en 2023, avec la pièce The Borders, Path of Heaven. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, on y va du côté de la Suède. Oui, un groupe qu'on apprécie d'ailleurs, Agusa. C'est un extrait du cinquième album paru l'année dernière, Prima Materia. Malgré le départ d'un des membres fondateurs, Tobias Peterson, le bassiste, eh bien, le groupe a réussi à conserver, je dirais, une identité sonore, même s'il ne reste plus qu'un seul membre de la formation originale. Et on écoute la pièce Underbar Himmel. Oh, любого сна. Меткий выстрел из засады, затяжной прыжок. Каждый третий ждет награды, по ночам поет. И по следу кто-то гонит вороных коней. И дорога вдруг утонет средь густых ветвей. Путь с собой не дай разбиться сердцу в тишине. Но не спит ночная птица и зовет, и манит. Замирает. piste sans mettre ses trous en arrière. Les gars de la place, la belle grande voisine d'en face. Tant de paires d'yeux présents pour mon premier vrai crash. Sa bécane qui traînait chez les Saint-Pierre. On l'a laissé dans le bois et puis on a craché dessus. Je me rappelle surtout du moment où mon père l'a su. Chaque bouteille pour masquer l'intrusion. Ma fierté d'adolescent et l'estomac à l'envers. La flaque de vomissure s'étend sur l'asphalte de l'école primaire. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL. Pour bien débuter vos week-ends, rien de mieux qu'une bonne dose de groove grave qui plombe comme des bombes. L'équipe de Messieurs Dynamite vous attend tous les vendredis de 18h à 20h. Du funk, de la soul, de l'afrobeat, c'est Messieurs Dynamite. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation norvégienne Gentle Knife, qui a été fondée à Oslo en 2014. Ils ont réalisé 2 albums et maintenant, malheureusement, sont séparés. On aura ici un extrait de leur 2nd album, Clock on Wound, qui est paru en 2017 avec la pièce Plans Askew. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation multinationale qu'on aime beaucoup à l'émission. Oui, on parle de Samurai of Prague qui, incidemment, va nous présenter dans quelques semaines un nouvel album, A Quiet Town, qui a été composé par le claviériste italien Marco Griego. Mais ce n'est pas un extrait de ce nouvel album qu'on va écouter ce soir. On va plutôt regarder du côté de White Snake et c'est la pièce de Traveling Musicians. I'm strong. Can't you see that you'll still need me? Why would you say you get rid of me? The only way for me is run away and be free. For a flowing mane. Ho sempre osservato le montagne del nord. I wish I could run faster than the wind. Non ho mai conosciuto le mie origini e so. Now I'm going to be a musician. Anche se vecchio e stanco. Do you want to hear my pain? I'm old, stress tried to drown me. Dear Rooster, long is the path we're riding. Tanto del mio destino, triste breve, lo so. Maybe you can trust this donkey and this dog. Da domani la testa sul collo non avrò. We can head together to the city of Florence. E per gli ospiti a tavola un dono grato sarò. Surely there we'll find our home, the place where we belong. Mi hai convinto, amica, con te fuggirò. Same as yours, let's stay here tonight. But I'd rather climb higher, lie on the branches. Ed ancora più in alto, io mi arrampicherò. Lì soltanto il mio cuore pace ritroverà. Da quassù sorvegliare è più facile. Sanno i vostri occhi e la vostra guardia. Tell us what you see beyond the window. What do you see? I see an evil gang of robbers, but also a table full of good things. Troviamo un buon piano, proviamoci insieme. Questo posto sia nostro al più presto. They are all scampering away. Let's eat together to let the feasting begin. Let's eat together to let the feasting begin. Let's choose a more comfortable place to sleep. Fellow robbers, what do you think? Try to conquer back our den. Now that all the light sai amore. Sono il più coraggioso tra noi. Now they're all a scoprire che succede. Siamo fuggiti troppo presto senza nemmeno difenderci. Oltre la porta nella cucina mi serve una luce, vedo brillare due sole scintille. Forse i carboni non ancora spenti la fiamma li rivelerà. What's this light so close in my eyes? They're attacking us. Let's spring, let's stretch, let's fall. Molti la gamba più forte che puoi. Non farlo fuggire, seguilo dai. No, he's in the backyard kicking with all my fury. They'll think twice before coming back. Cosa succede? Che c'è laggiù? Dobbiamo difenderci, combattere. Urla più forte che tell me my fellow, what happened to you? La casa è perduta, sono stato attaccato da una strega che sputa e graffia con dita sottili. Poi l'uomo armato era dietro la porta, lui mi ha colpito, io sono fuggito. C'era una creatura armata di bastoni, non aveva pietà. Infine l'ho detto, il diavolo ha urlato, e sono sicuro, i miei occhi l'han veduto. Lui era lì, voleva la mia anima. Thank you. Pour conclure l'émission de ce soir, on a retenu une pièce de la formation de Détroit, Discipline, et c'est un extrait de l'album To Shatter All Accords, paru en 2011. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres, et revenez-nous assurément la semaine prochaine, même heure, même poste, pour encore un bon 2 heures de rock progressif. Restez à l'écoute. L'autoroute suit dans quelques instants et Marc et moi, on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.